Ndikomanyanga. Bienvenue à vous qui êtes branchés sur les ondes de la radio Isanganiro à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Un certain groupe de partisans du parti Prona indique que le processus de réunification qui avait été enclenché en mai dernier s'est arrêté. Dans un communiqué signé le 17 février par 17 membres de ce parti, ces partisans dénoncent le manque de volonté de la direction de ce parti. Mais le président de l'UPRONA rejette en bloc toutes ces allégations. Les conducteurs de voitures en commun garées au marché Bujumbura City Market des Chassillon disent qu'ils travaillent à perte suite à l'insécurité qui règne à l'est de la RDC. Même son de cloche avec les commerçants qui faisant face au manque de la clientèle. Et le gouvernement burundais annonce avoir mis en place des mécanismes et des stratégies pour renforcer les capacités et de préparation des réponses afin de garantir la sécurité de la population. Ceci ressort d'une déclaration sortie ce jeudi par le ministère de la Sécurité publique au moment où le monde célèbre la journée dédiée à la protection civile ce vendredi. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique. Un certain groupe de partisans du parti UPRONA indique que le processus de réunification qui avait été enclenché en mai dernier s'est arrêté. Dans un communiqué signé le 17 février par 17 membres de ce parti, ces partisans dénoncent le manque de volonté de la direction de ce parti de mettre en œuvre ce qui avait été convenu avant le début de ce processus, et notamment le mécanisme de mise en place du comité central de ce parti. Tassien Sibomana, un des signataires, indique que le processus s'est effectivement arrêté lors de la confection des listes électorales. Tassien Sibomana au micro dans l'Indésiré Boukienès. Il y a des rumeurs et des mensonges qui sont véhiculés par les gens de l'aile Kumugumia, comme quoi le parti Prona se serait réunifié. C'est que nous voulons informer les Badassigana et l'opinion en général que l'UPRONA n'a pas été réunifié. Et pour des raisons. La première, c'est que ces dirigeants de Kumugumia brillent par un manque de volonté et de détermination en faveur de la réunification. Parce que comme vous le savez, on a commencé des discussions depuis belle lurette. Pourquoi je dis qu'il y a un manque de volonté? Même les compromis qui avaient été déjà arrêtés avant le lancement officiel, n'ont jamais été mis en application jusqu'aujourd'hui. Mais il s'agissait de quel compromis? On s'était déjà convenu sur le comité central, la composition du comité central, la composition du bureau exécutif, la préparation d'un document de consensus sur les positions de l'UPRONA vis-à-vis des questions de fond qui nous divisent et vis-à-vis des questions de l'heure et des solutions à y adopter. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est à partir de quelle période que le processus s'est arrêté? Le processus s'est arrêté quelques jours avant le dépôt des listes. Parce qu'on a posé la question à l'honorable Olivier, comme vous ne voulez pas avancer en termes de processus, est-ce qu'on va participer ensemble aux élections, oui ou non? Il a dit, bien sûr que oui. Moi, j'ai dit, est-ce que les gens qui ont refusé de réunifier les organes provinciaux, nationaux, qui n'ont vraiment aucun intérêt là-dedans, est-ce qu'ils vont se rencontrer pour parler des listes et s'entendre? Pourquoi de telles querelles surgissent spécialement à l'approche des élections? Les raisons qui ont bloqué le processus, c'est le manque de volonté, c'est le calcul de ces gens de Kumugumia en termes de postes. Nous n'avons même pas eu l'occasion de discuter de ces listes. Pour vous dire vrai, j'ai encore renchéri quelles sont les modalités de participer ensemble tant qu'on n'a pas encore tenu des réunions et formalisé les organes réunifiés. En réaction, le président du parti UPRONA s'inscrit en faux contre ceux qui dénoncent ce manque de volonté de la part des autorités de ce parti dans le processus de réunification du parti UPRONA. Olivier Ngurunziza indique qu'à ce qu'il sache, ce processus de réunification est toujours en cours. Il affirme que les portes sont toujours ouvertes à ceux qui le veulent, à ceux qui veulent de pourparler. Suivez-le. D'abord, au niveau du parti prenant, nous voulons informer la population burundaise. Tous les Badasiga n'ont connu que le processus de rassemblement a eu lieu, presque total, au niveau de toutes les communes. D'abord, il y a ce que j'ai appelé la réunification première phase, qui était constituée par les représentants, une partie représentée par le professeur Ngaï Mbenda, qui était ensemble avec honorable Yves Sahingubu, honorable Gasutwa, ministre Claude et d'autres, qui en majorité était vraiment la grande partie des Badasigana qui ont regagné effectivement le parti et les organes. Tous les organes de la base, les Badasigana sont là. Et ceux qui sont témoins, ce sont les Badasigana qui sont là. Sinon, au niveau de l'opinion, quand une personne a un problème, ce n'est pas à dire que tous les Badasigana n'ont pas pu faire le rassemblement des Badasigana. Le problème que peut-être Tassie Sibomana a, c'est peut-être des problèmes personnels. Parce que vous savez que quand on est entré de faire le processus de rassemblement, ce n'est pas une chose qu'on fait dans une seconde, c'est un processus. Ça prend le temps, on fait le débat, mais avec bien sûr, effectivement, la volonté de tous les côtés de se mettre ensemble. On avait fait un pas, il y a même tous les Badasigana qui étaient presque à côté de Tassien qui sont là, qui sont même dans les organes du parti aujourd'hui, qui n'ont pas pu suivre Tassien. Témoignent les listes, par exemple, en province Moharo, celui qui est sur les listes, il provient aussi sur le côté Tassien. Il y a même dans la mairie de Bujumbura, il y en a. Seulement, les informations que j'ai et qui sont vérifiées et qu'il avait voulu regagner Burundi Bwabose et on lui a refusé de lui remettre sur la liste. Et voilà, il a vu qu'il a tout perdu. Il revient aujourd'hui pour dire que l'Iprona l'a chassé, mais plutôt que c'est le Burundi Bwabose qui l'ont chassé. C'est pas vraiment le parti Iprona. Et autre chose, ce que je peux dire, c'est que les portes sont toujours ouvertes. Le parti Iprona ne peut pas se soumettre à aucune condition dans notre parti politique. Et dire que le parti Prona est influencé par le parti CNDD-FDD, en aucun cas. Je pense que Tassia a des problèmes personnels. La promesse que je donne est que c'est un processus. C'est un processus continu. Je pense qu'une fois, il voudra revenir, que les portes sont ouvertes. L'actualité continue sur Isanganiro. Le gouvernement burundais annonce avoir mis en place des mécanismes et des stratégies pour renforcer les capacités de préparation des réponses afin de garantir la sécurité de la population. Dans une déclaration sortie au moment où le monde célèbre la journée dédiée à la protection civile ce vendredi, lieutenant général de police André Ndayambagé, secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur, estime que la protection civile est devenue un pilier fondamental pour faire face à des défis causés notamment par les catastrophes naturelles. Suivez-le. Au moment où le monde est confronté à une série de crises majeures causées par les catastrophes naturelles, les accidents technologiques, les épidémies, les menaces sécuritaires qui exigent une préparation constante et une coopération efficace à tous les niveaux, la protection civile est devenue un pilier fondamental pour faire face à ces défis. Actuellement, le domaine de la protection civile ne se limite plus à un simple système d'alerte précoce et de réponse aux situations d'urgence. Elle consiste aussi à élargir les stratégies de renforcer la résilience des communautés, de sensibiliser et de préparer les communautés à faire face aux menaces potentielles afin de pouvoir garantir la continuité du développement durable. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère et la protection civile dans ses attributions, en collaboration avec les partenaires au développement, a mis en place des mécanismes et des stratégies pour renforcer les capacités de préparation et de réponse afin de garantir la sécurité de la population. L'objectif ultime étant de protéger les vies humaines et de bâtir des sociétés plus résilientes et sécurisées. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, trouve que c'est au gouvernement de considérer que le marché central qui va être prochainement reconstruit appartient à la population. Gabriel Ossili le dit après que le Conseil des ministres ait donné le feu vert à Obaka Nation de démarrer la première phase de ses travaux. Il demande au gouvernement de mettre en place une commission de suivi et de surveillance de ses travaux de reconstruction de l'ancien grenier du pays.

Jean-Marie Vianney Ngendakoumano, au cours de cette période du mois dédiée aux droits de la femme, on vous parlait d'une femme détentrice d'un doctorat à l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS de l'Université du Burundi. Sylvia Tungimana appelle d'autres femmes à surmonter les défis liés aux coutumes burundaises, ne leur permettant pas d'exercer certains métiers et aux parents d'aider les jeunes filles à s'intéresser beaucoup plus au sport pour leur bien-être. Le détail avec Jean-Claude Niyomukit. Jewe nukuri nagiyeyo atani kindi nifuza gukora atari education physique jewe nibaza yuko ari impano. Sylvie Atungimana est une femme qui détient un diplôme de doctorat au sein de l'Institut de l'éducation physique et du sport, qui pratique le métier d'enseigner aux autres les exercices d'éducation physique, ce qui l'a influencé à adhérer à l'Institut d'éducation physique et du sport. C'est le milieu dans lequel elle a évolué. Je jouais aux jeux dédiés aux garçons. Quand ma mère est décédée de mon bas âge, je devais jouer aux jeux de distraction pour me passer de sa mort. Quand j'apprenais, je ne pensais pas aux exercices physiques seulement. Mais plutôt, j'étais curieuse de savoir le pourquoi de cet exercice. Les entraves qui font que les femmes ne pratiquent pas certains métiers, ce sont les défis liés aux coutumes burundaises, selon Madame Sylvie Hatungimana. Au début, je vous ai dit que j'ai terminé mes études universitaires en 1979. À cette époque, j'ai commencé à enseigner à l'intérieur du pays à Agenda. Tout le monde s'étonnait en me voyant et disait « Mais qu'est-ce qu'on voit là ?» Je ne l'ai fait qu'une seule fois pour ne pas scandaliser la population. Je cachais mes tenues de sport dans mon sac à dos. Je les mettais lorsque j'arrivais à l'école pour enseigner. Et lorsque je terminais, je devrais les remettre dans le sac à dos. Ce qui importe, selon Madame Sylvie Hatungimana, c'est de faire comprendre aux autres femmes les bienfaits du sport. Moi, je n'ai pas de souci que je sois la coach de sport, même s'il y a des hommes qui sont censés le faire. Ce qui me rentre au cœur, c'est toujours chercher à améliorer et innover pour satisfaire les amoureux du sport. Elle en appelle aux parents d'aider leurs jeunes filles dès le bas âge à s'intéresser beaucoup plus aux exercices physiques pour le bien de leur corps. Je lance un appel aux parents, aux filles et même aux papas. Car dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas d'entente et compréhension, il faut reconnaître qu'une femme peut aller faire du sport parce qu'il arrive qu'on peut lui en empêcher. En disant comme quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu reconnaisses que ta fille peut faire du sport pour préparer son avenir. C'est pour cela que je ne m'adresse pas aux femmes seulement, je m'adresse aux femmes, aux filles et même aux hommes. Je les appelle à respecter le corps humain en le rendant actif, car vous savez que le corps, quand il n'est pas actif, c'est un corps foutu. Madame Sylvie Hatungimana a terminé ses études universitaires en 1979. Parmi les postes occupés, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Dernier dossier de ce journal, des femmes de la communauté Aba en province Gitega disent avoir déjà compris quels sont des leviers essentiels pour la promotion de l'agroécologie de par leur importance dans le milieu agricole. L'agronome communal de Itaba, Chisa Vital, indique qu'ils organisent des réunions de sensibilisation pour appeler les agriculteurs constitués en grande partie de femmes. L'avantage de protéger l'environnement au début de chaque saison culturelle. Le reportage est signé Ornella Mucho. Au Burundi, les femmes fournissent plus de 65% de la main-d'œuvre agricole, ce qui montre qu'elles sont des usagers majeurs des ressources naturelles par leur rôle dans l'agriculture. Donate Nyoyamonde, cultivatrice de la commune Itaba en province Gitega, dit qu'elle a déjà compris que le changement climatique est de nos jours l'une des principales contraintes auxquelles font les cultivateurs et cultivatrices. Elle ajoute qu'elle a également compris que les femmes sont les plus exposées aux effets du changement climatique, tels que la sécheresse et les inondations qui endommagent les cultures, d'où la nécessité de jouer un rôle de premier plan dans l'action climatique et des pratiques agroécologiques. J'essaie de ne pas brûler les herbes et j'essaie plutôt de tracer des courbes de niveau avec ces herbes. Et cela m'aide à ce que mes cultures ne soient pas emportées en cas de forte pluie. Et lors de la saison pluvieuse, ces herbes charriées par les eaux de pluie enrichissent le sol. Et j'attends les premières pluies pour répandre cette matière sur toute la superficie du champ. Nyom Roza Melkiade, agriculteur de cette même commune Itaba, reconnaît que par leur place prépondérante dans l'agriculture, les femmes doivent jouer un rôle important pour la résilience au changement climatique et protection de l'environnement. Les femmes doivent jouer un rôle important dans la gestion des ressources naturelles et résilience au changement climatique. Par exemple, en cas de forte pluie qui emporte les cultures, ces femmes sont les premières victimes car elles ont le rôle de nourrir la famille. Les hommes, quant à eux, peuvent ne pas directement être affectés et surtout que, dans ces situations, certains quittent le pays pour aller chercher du travail et les femmes restent seules avec les enfants. Marie-Bernadette Akidmana, agronome de formation et spécialiste en genre et environnement, indique que les femmes ont besoin d'être informées, encadrées pour connaître les conséquences de leurs activités et le lien avec le changement climatique. Les femmes doivent être très sensibilisées sur la gestion des ressources environnementales de par leur rôle. Les femmes sont responsables de nourrir la famille et en nourrissant la famille, elles doivent exercer l'agriculture. Si la femme est sensibilisée, d'abord en la sensibilisant, on lui montre les causes du changement climatique. Elle saura quand il y a inondation, quand il y a risque de sécheresse, que c'est lié à ces activités qu'elles font. L'agronome communal de Itaba, Chisa Vital, indique qu'à l'approche des différentes saisons culturelles, il sensibilise les cultivateurs constitués en grande partie des femmes de pratiquer l'agroécologie pour lutter contre les impacts du changement climatique sur la vie des personnes. Chaque fois au début des saisons culturelles, on organise des réunions de sensibilisation. C'est au moment de ces réunions de sensibilisation qu'on en profite pour rappeler les agriculteurs en général, et plus particulièrement les femmes, parce que c'est elles qui s'occupent beaucoup des travaux sans pétrole, les rappeler l'avantage de protéger l'environnement en évitant des brûlures dans les champs, en pratiquant l'agroforesterie, en protégeant les collines par les arbres forestiers. Chisa Vital, agronome communal de Itaba, affirme qu'avec la mise en place de l'agroécologie, la production agricole a considérablement augmenté, passant de 700 kg de maïs par hectare à 2500. Voilà, c'est par ici que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Douai pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de nos programmes.